but you don't give that away. You don't give anything away. This feels one way. That's why I tried to break away. Mutiny in strange ways. But you persuaded me to stay. When I see you, I'm okay. Je t'aime, I love you. Maman Thibault, la compagnie Crawl. T'as fait rire les soissons. Elle connaissait la compagnie Crawl. T'as fait rire les. Maman Thibault, la compagnie Crawl. Elle connaissait. Nadar et Mangeani, 1944. Et t'as toi, à Ganichini. Maman Thibault, elle connaissait la compagnie Crawl. Et t'as toi, Nadar et Mangeani. Pas de tinker. C'est un hommage à sa maman, en fait. Hommage à Madame Ribéon. Tu veux parler au docteur Acker hein? Tu mets. Maman Thibault, bon moment. Docteur Acker, il est parti en moto, il va plus. Docteur Acker, cravate plus, là. Ouais, il est connu, Docteur Acker. Maman Thibault, le Thibault. Maman Thibault. Oui, bon moment, Jeannie. Elle connaît la compagnie Creux. Au revoir, ton moment. Nada Ribeiro, 1944, 21 juin 1944. Yes. Yes. Qu'un numéro pour l'instant, donc. Thank you very much, welcome. Maman Thibault. Moi, je suis sur WhatsApp. La compagnie Crawl. J'ai pas portable. Je m'entends. Tu m'entends, là? Ça commence, j'ai bien ça, quand même, bon, ça vous fait. Non, je suis pas entier. Papa est mignon, Android. Ouais, d'accord. Maman Thibault, s'il vous plaît, monsieur. Mais c'est ce que vous voulez. Baisse sur une état, ça commence bien, ça que bon, tout le spédilé, il y a baisse sur une état, en espagnol, baisse de moi, c'est. Tout le spédilé, thank you very much, welcome. Yes. Thank you. Il y a des œuvres qui vont sur YouTube. Je connecte ça à mon téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Thank you very much, welcome. Yes. Thank you. Ah ouais? D'accord. Il rentre. C'est quoi un mini-jack? C'est un mini-jack. Non, j'ai pas. Mais Georges, je peux aller sur YouTube, lancer le son. Et ouvrir ma page de texte qui n'est pas YouTube. Sans que YouTube ça s'arrête, tu peux le faire ça. Ou d'amarrage de son fond. Ou d'amarrage de son fond. C'est de son fond. On va faire le test. On va faire le test. Bien calme de son fond. Thank you very much, welcome. Ça commence bien. Ça c'est bon. Pour les Martiniquais, pour les Guadeloupéens, ça commence bien, ça commence, ça vous fait pour qu'on a. Chérie, pas moi un Thibault, des Thibault, trois Thibault l'amour. Pas moi un Thibault, des Thibault, trois Thibault l'amour. Allez, chien! Pas moi un Thibault, des Thibault, trois Thibault. Moi, je saoulé, pour soulager que moi. Allez, je t'en veux! Thibault, des Thibault, trois Thibault. Allez, papa! Thibault, des Thibault. Pas mal Thibault, de Thibault, pas Thibault. Pas mal saoulé, pour soulager que moi. Allez, chien! Pas mal, petit beau, jardin, mais je ne l'ai pas jamais. Pousse le jardin-là, et pas mon petit beau, je petit beau, crois petit beau l'amour. Pas mon petit beau, je petit beau, crois petit beau l'amour. Pas mon petit beau, allez, Seigneur. Petit beau, crois petit beau, pas mon tout ça voulait. Il n'y a pas de soucis. On va vérifier. Oui, je vais te faire voir. Je t'ai dit, pour qu'on s'entende, il faut que tu aies confiance en Mario. Et en premier lieu, c'est bien d'avoir confiance en Dieu. C'est bien d'avoir confiance en Dieu. Et en premier lieu, tu te calmes avec moi. Tac, et voilà. Moi, je te montre. Pourquoi je te montrerai pas? C'est possible. C'est possible. La vidéo elle est pas finie, on va voir. Ouais, j'ai vu, mais on ne voit plus faire. Hein. Non, mais tu ne vois pas faire. Ok. Je respecte ton choix. Je vais effacer. Oui. Bah, moi, j'efface devant toi, je suis un homme d'une parole. Mais, comme je t'ai dit, quand tu t'adresses à moi, politesse. Politesse d'abord. On est des êtres humains, Ringo. Peu importe. Peu importe la maladie, peu importe l'handicap, on est des êtres humains avant tout. Politesse. Pas longtemps, il y avait la fête du quartier dans un quartier qui s'appelle le Carré. Ouais, ici. Et moi, je déconne ceux qui organisent ça. Il est pas dedans. Il est pas dans le coup du tout. Plus qu'une scène, ils ont fait un show. Ils ont organisé. Il y avait Jacobs, Bibi et l'autre, je connais pas ça. C'est la génération future des rappeurs chanteurs de Bondi, c'est la nouvelle jeunesse, c'est eux qui vont exploser les pétés, c'est pas lui. Lui il pourrait s'il écoutait, c'est pareil pour le Sinoche, s'il écoutait. Et ce qui se passe, c'est que le Sinoche c'est pas de l'improvisation, t'as un texte à connaître, t'as un personnage à interpréter, tu vois, et le réalisateur t'aide à te mettre en scène, t'aide, mais déjà faut écouter, faut savoir écouter. Non, je parle en général, parce que le film sur le paranormal, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de caractérisation, c'est un documentaire, donc il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu fais du cinéma de fiction, il y a des règles. Si tu les suis pas, ces règles en écoute, crois-moi, ils vont pas te garder. Hein. Ils vont trouver un autre facteur direct, hein. Même si t'as réussi le casting, hein. Bah ouais. C'est surtout, surtout un pays qui a été sous l'emprise des Ottomans. Mais c'est surtout un pays qui a été sous l'emprise des Ottomans en premier lieu. Puis après en fait ils ont été pris sous le régime de Mussolini l'Italien, le fasciste. Ouais, il contrôlait le pays, l'Albanie. Et là, pas tous. C'est des musulmans parce qu'ils ont été sous l'emprise des Ottomans. En fait, parce qu'ils ont été sous l'entreprise des Ottomans. Non, l'Empire Ottoman, en fait, c'est des anciens Turcs. Mais vas-y, prends. Et en fait, l'Empire Ottoman, c'est les anciens Turcs. Avant que l'Empire se défasse. Nous, on est prêts. Ben, si tu veux, fais le programme, anime. Tu peux animer, vas-y, anime. Anime, frérot, moi, je vais pas tout le temps animer à chaque radio. C'est ça. J'en ai deux. C'était pas là en fait, j'ai mis sur l'ordinateur un dossier avec un panel d'instruments différents. Il y a du rap, il y a de la salsa, il y a plein de trucs, il y a beaucoup, il y a du brésilien, il y a... Ouais, mais c'est Ringo qui doit choisir dès maintenant les instruments qu'il veut sur ce dossier. Faire une scène pour le forum associatif de Mondi pour représenter l'association Le Rocher, parce que ils m'ont dit en fait c'est pour l'instant on va voir, mais c'est sûrement en studio qu'on va essayer de réouvrir à Bondinard par une asso, et c'est pourquoi j'avais préparé un texte pour la réouverture, mais ils m'ont dit au final de pas faire ce que pour le moment, parce qu'ils veulent pas que la personne de tous les jeunes d'avant qui viennent. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien beginner. Du coup, bah, si je faisais la scène, ça disait ouvertement que le studio Reba il était ouvert. Donc s'ils veulent la jouer sans bouche oreille, sans buzz, il va aller mieux que jamais. J'aurais pu garder la scène pour moi et faire un petit truc trivial pour pendant le forum des assos, mais non, je l'ai donné à Ziakov, c'est Bibi. Ouais mais non pas vraiment parce que Ziakov, c'est Bibi, ils sont pas dans la scène de retour. Oui, il représente c'est Urban Man. C'est grave. C'est grave. Oui, je vais lire un poème. Non, juste. deux semaines, il y a longtemps. Ça, je connais ici, j'ai déjà venu une fois, j'ai pas pu rester. Barbara, et vous allez faire un son aujourd'hui du coup? Moi je vais faire, en fait, je vais faire deux poèmes et peut-être après avec une improvisation. Ouais, c'est quoi? Ça tourne, ouais. Vous chantez. Ouais. Bah, y en a oui, d'autres qui font des rubriques. John lui fait sa rubrique sur le sport. Ouais. Mais après, si quelqu'un veut faire intervenir, c'est libre aussi. On essaie juste d'avoir un minimum de programme. Et après, chacun est libre d'intervenir. Ouais. On peut dire tout ce qu'on veut. Sans être bien. Mais j'ai besoin d'allumer aussi là. Le mixeur. Vous le faites, vous écoutez. Parce que je vais écrire. Vous écoutez en même temps. Ouais, voilà, on entend. On a les haut-parleurs pour les personnes qui ont passé. Et après, on est aussi sur la radio, quoi. Sur Internet. Ouais. D'accord, ouais. C'est très libre. Je peux pas participer. Voilà, c'est habituel. Ça sert à rien de parler aussi. Tout le monde, bienvenue à la radio Métanoïac. Bonjour. Métanoïac, c'est vous. Prenez soin de mon invité. Ouais, bonjour. Ouais. Votre prénom, c'est Antonio. Antonio. Salut. Bien. Je vais pas participer. Asseyez-vous. Hein. Pas tarder. Asseyez-vous. Prenez place, messieurs, dames. À ces journées Métanoïac. Ok. Et c'est... Attends, c'est Jérémy qui a fait le programme. Allô. Non, le programme, c'est... Et... Attends, il y a un truc qui marche, il y a un micro qui... Ah. Je trouve que c'est ça. Comme toi, ouais. Ça fait un peu comme dans les radios, de la télé. C'est ça, c'est radio libre. C'est ça, RTL2 aussi. Mon capitaine. Là, c'est le plateau. Tu le vois pas derrière. On a des micros, des casques. parce que moi, ça, là, ça fait trois ans que je suis ici. D'accord. Mais je savais pas qu'on avait le droit de... Adrien te le dit deux fois. Attends, il y a un problème avec ces câbles. Ah. Faut que je mette peut-être à 3 pour que ce soit sûr. Attends. Il y a un problème. Ouais, ok, je comprends. Bah, là, en tout cas, je connais pas les autres activités, moi. Tous les mercredis, déjà, faut qu'on, à cette heure-là, entre 16h et 18h, il y a cette radio. On va essayer les micros. Voilà. 7h, on monte un programme. Et après, à 17h, on est en ligne et on... Chacun fait sa partie, voilà, on peut aussi intervenir. Tu peux parler de ce que tu veux. Hey. Voilà, c'est ça. Là, on a on a des amis, là, des camarades qui vont faire des freestyles. John qui va faire une rubrique sur le sport. Voilà, après... Non, moi, je suis la cube. Hey, Metanoia à cœur. Hey. Ouais, voilà. Et le responsable, c'est Martin. Ouais. Voilà, c'est ça, le psychologue. Et vous, c'est comment? Moi, c'est Adrien. Enchanteur. Ils se sont levés aux aurores avec pour objectif de bloquer ce rond-point de petite forêt. Hier, Bayrou il a annoncé sa démission. Sur coup de poing, journée effectivement connue du 10 septembre de tous, et l'idée c'est d'aller prolonger les mouvements jusqu'au 18 de ce mois-ci. Autre cible annoncée sur les réseaux, l'entrepôt du géant Amazon dans le Douaisis. Là aussi, des manifestants bloquent les camions à l'entrée, qu'ils soient salariés ou non du géant américain. Le message, il est clair, c'est de bloquer l'économie et de dire qu'il faut aller chercher l'argent là où il est pour que l'ensemble de la population puisse mieux vivre au quotidien. On ne comprend pas pourquoi nous, ouvriers d'Amazon, on devrait encore se serrer la ceinture alors qu'on leur file des aides et qu'ils font des milliards de bénéfices. À Lille, les manifestants ont tenté de bloquer le périphérique avant d'être rapidement délogés par les forces de l'ordre. Le trafic perturbé pendant une heure est revenu à la normale. C'est devant certains lycées que la mobilisation se poursuit. Des jeunes qui veulent eux aussi faire entendre leur voix. On a décidé de faire une action au coup de poing. Journée effectivement connue du 10 septembre de tous. Et l'idée c'est d'aller prolonger les mouvements jusqu'au 18 de ce mois-ci. Autre cible annoncée sur les réseaux, l'entrepôt du géant Amazon dans le Douaisis. Là aussi, des manifestants bloquent les camions à l'entrée, qu'ils soient salariés ou non du géant américain. Le message, il est clair, c'est de bloquer l'économie et de dire qu'il faut aller chercher l'argent là où il est pour que l'ensemble de la population puisse mieux vivre au quotidien. On ne comprend pas pourquoi nous, ouvriers d'Amazon, on devrait encore se serrer la ceinture alors qu'on leur file des aides et qu'ils font des milliards de bénéfices. À Lille, les manifestants ont tenté de bloquer le périphérique. Ringo parle un peu. Rapidement délogé par les forces de l'ordre, le trafic perturbé pendant une heure est revenu à la normale. C'est devant certains lycées que la mobilisation se poursuit. Des jeunes qui veulent eux aussi faire entendre leur voix. On aimerait que le gouvernement simplement nous entende, nous écoute et prenne en compte nos revendications parce qu'on est la future France et on sera là toujours. Bah, comment je pense, Macron, déjà, c'est la première fois qu'on a un petit homo. C'est vraiment, je pense, une déclaration. On est dans la merde. C'est même pas la peine, il a mal à la tête. Qui ça? Mais pas de compte, quand je pense la justice, quand je vois des viols, des pédophiles qui les relâchent, ça me fait penser qu'ils sont francs-maçons déjà. Et ça me fait penser que c'est des pédophiles aussi. Ils sont malades dans leur tête en France. Et ça, j'arrive pas à les supporter. Avec leur temps de merde qui met les francs-maçons, l'appui, le virus. Mais qu'est-ce qu'ils savent pas qu'une fois, Dieu va les enculer. Et ça, ça va leur faire du bien. Ils seront pas d'accord, mais ils vont les enculer. Ils sont homo. Bah, ils veulent que Dieu les encule, non ? Parle au micro. Bah, à mon avis, de toute manière, Dieu, tu passes pas. Quand t'es homo, c'est mort. Tu passes pas. C'est interdit dans la loi de Dieu. Pourquoi un homme qui couche avec un homme, c'est mort. Non, et déjà, de toute manière, son petit mec là qui l'a mis une petite baffe comme une pute, monsieur le Macron, la pute, ça le fait du bien des tarques par son mec. Quand je pense le meilleur président qu'on a eu, franchement, je l'oublierai pas. J'ai jamais pensé à voter quand j'étais gamin, c'est normal parce que je pouvais pas voter. Mais maintenant, les présidents d'aujourd'hui, c'est de la merde. Ils pensent qu'aux sous. À faire la guerre et les gens normaux ils s'entretuent trop à cause d'eux dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il faut faire la manifestation et les gens normaux qu'on vit d'or et qu'on vit ensemble, on doit se respecter, mais à cause de eux on se respecte pas, on se tue. La preuve, les Ukrainiens se tuent avec les Russes à cause de la politique. Attends, Ringo, on va changer le micro parce que il y a un problème de. Attends. Et fin de compte, à cause des politiciens, M. Poutine, Sandinski, et à cause de M. Macron, le PD, les gens normaux d'or, ils s'entretuent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, les gens? Vous savez, les gens normaux, il faut pas s'attaquer entre vous. Il faut pas... Attends, je vais dire quelque chose, juste ça, laisse-moi finir, s'il te plaît. Fin de compte, les gens normaux, quand allô, vous allô. Voyez que la politique fout la merde, il faut pas s'attaquer entre, okay. entre êtres humains, il faut attaquer la justice de merde. Même l'État. C'est comme ça, il faut attaquer eux, mais pas s'entretuer entre nous, parce que c'est eux qui cherchent ça. Est-ce que quelqu'un a... Il faut s'attaquer à la merde, qui font la merde sur la merde. Oh. Même les retraités, ils peuvent pas être tranquilles, et même les gens normaux. Ils font que c'est des diables, ils resteront diables. Et avec leurs sous, ils resteront diables, et francs-maçons, et pédophiles. Quand même. Ouais, mais non, bah, c'est loin, parce que... Dire de Macron y a trop la merde sur terre. Qu'il est pédé, c'est assez pédé, hein, parce que pédé, c'est un mot qui vient du mot pédéraste. Et un pédéraste, c'est pas un homosexuel. Hein. C'est non plus. Un pédéraste, c'est un homme adulte qui couche avec des enfants et des, ouais. Voilà, et des jeunes enfants. Mmh. Ouais, voilà. C'est un pédophile qui aime les jeunes, les sexes pédophiles garçons. C'est ça la définition de ouais. pédéraste. C'est un homme adulte qui aime les petits garçons, qui viole des petits garçons, ou qui ont des relations sexuelles avec des petits garçons. C'est ça un pédéraste. Et avec le temps, le terme pédéraste qui a pris le terme pédé, ben, il est mal employé en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on parle d'homosexuel en vrai. Pédé, c'est non, plus je de... péjoratif. À moi. Après, niveau politique, on s'en fout que des orientations de Macron, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que voilà, il se passe des choses. Pour un pays qui prône les droits de l'homme et l'égalité. Macho, je veux dire le macho. Pour un pays qui prône l'égalité macho, et les droits de l'homme. S'il vous plaît. Ben, pour l'instant, on respecte pas trop ça. Et actuellement, la crise, elle est pas que financière. Elle est aussi sociale, elle est aussi le dans macho, la tête ça veut dire des, le temps. Des personnes. En italien. Ah, Martin. Hein le macho. Le quoi, tu dis? Le macho. Le macho. Ça veut dire se tendre. Ouais. Phallus. Ah, je savais pas ça. B-A-H, un trait. B-H-A, un trait comme ça, une virgule. Ouais. Indonésien. Grec indonésien. Ouais. Macho. Macho. Ça veut dire se tendre, phallus. Le racisme dans le dictionnaire. Tendre le déjà. Phallus. Mais tu sais, c'est quoi le phallus? C'est quand on bande. Voilà, c'est ça. Et justement, macho, vous n'avez pas compris la situation? Le phallus, c'est aussi, selon Lacan, les psychanalystes, le phallus symbolique. Voilà, c'est un icône. Réel, le phallus imaginaire. Comme le Maxwell Pils. Non, mais oui, le phallus, c'est pas seulement le pénis. Le phallus, c'est, non. C'est un symbole. C'est... Oui, oui. Ça marche, oui. Attends, tu peux parler? Je peux parler? Ouais, voilà, tu peux. Ouais, à toi. Comme c'est certaines civilisations qui vivent j'ai en... besoin ouais, de casque ouais, ouais, s'il vous plaît. Phallucratie. Certaines civilisations ah, okay, qui vivent ma voix. En phallucratie. Ma belle voix. Ouais. Ça veut dire que c'est l'homme qui a le pouvoir. Tu te calmes, s'il te plaît. Attends, elle va, on va. C'est pas les femmes la plus belle. Toi, elle va préparer son poème. On la laisser un peu. Je voulais juste dire qu'alors, il y a trop d'injustices sur Terre, des milliards d'êtres dans la misère. Seul Dieu pourra mettre fin à cette guerre spirituelle et mettre la paix éternelle. Non, c'est pas possible. Je terre. Je réitère, il y a trop d'injustices sur Terre, des milliards d'êtres dans la misère. Seul Dieu pourra mettre fin à cette guerre spirituelle et mettre la paix éternelle. Des milliards d'infirmes hospitalisés avec le président de la République et les comités d'accueil. Merci. Ouais. C'est l'oxygéné. Il est là, président, il y a même le temps qui est. Tu sais quoi, ils mettent des trucs. On est en septembre. Ouais, mais même. Regarde le temps. C'est eux, frérot. C'est les francs-maçons de merde. Mais non, les francs-maçons ne contrôlent pas le temps. Non. Les francs-maçons ne contrôlent pas le temps. Frérot, écoute-moi bien, les politiciens. Tu crois qu'ils travaillent ici? Ils travaillent avec les francs-maçons. C'est quoi les francs-maçons? Écoute-moi bien, chaque star. Ça commence bien. Et l'armée. Ouais. T'as vu? Ça commence bien. Travaille avec les francs-maçons. Dans la région. À cause des millions. Parfois. Tu sais que c'est la première fois que je viens là? Arrêtez de vous battre pour rien. On n'est pas des enfants, c'est des adultes. Restez matures dans la tête. Hey Martin. Oui, oui, alors on a fait attends, on a fait le programme. Jérémy avec Adrien, ils ont fait le programme. Parle au micro. Parle au micro Adrien parce que t'entends rien. OK, alors au niveau du programme, on a qui commence, c'est MTR comme d'habitude. OK, ensuite qui prend la suite? Moi, je voudrais mettre Black Ace. Slam. OK. Je suis troisième. Troisième Ringo. Quatrième Meslam. Quatrième Barbara. Les slams que je vais. Les slams de poèmes. Et en cinquième, on a John avec sa chronique sport. Et donc du coup, il y a de la place pour quelqu'un d'autre. Ou pour de l'improvisation. Je vais rentrer dehors. J'enchaîne après toi. Attends, Ah ouais? Bah c'est moi le responsable, c'est moi qui le fais, Luc. T'as besoin de quoi? Ah ouais. C'est quoi? C'est la vie scolaire ici? Et c'est moi je peux me mettre où? Ah je sais pas. J'ai le pouvoir, je me suis auto. Le pouvoir, attends. J'ai pris le pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir de la vie scolaire. Le pouvoir de la vie scolaire sur le pouvoir sur le programme. Je te sors, MTR. Regarde, j'ai le pouvoir de barrer ton. Moi j'ai une question, un peu l'équipe là. Je viens à la radio, il y a toujours des embrouilles ici. Ah ça, ah si, ah ça. Vous avez quel âge dans la tête? On les adultes. Chacun a sa tranche d'âge, de vingtaine jusqu'à 30 ans, 40, 50 ans. Mais quand même, on dirait que c'est l'école maternelle ici, la radio. Pourquoi j'ai bougé? C'est pour leur mettre les instruments à eux deux. J'ai bougé juste pour leur mettre les instruments à eux deux. Là, ça commence bien, le 10 septembre, ça commence bien la radio avec des problèmes. Là. C'est bon. Hein? On dit ça un peu, bah on avait muré ça un peu. De faire le rush. Arrêtez de faire l'enfant. Et parmi les deux, il y en a une que il a noté. Ouais, mais faut que tu ailles sur. Faut que tu vois avec Martin maintenant. Faut que tu vois avec Martin. Quoi? Pour aller dans le dossier, faut que tu vois avec Martin. Ouais, tu m'as dit, et moi je le. Tu me dis les noms. Les noms sont notés, on y va. Faut que tu vois avec Martin maintenant. Bah, je vous dis un petit truc là, vite fait. Vous venez à la radio tous les jours. Vous avez vu commencer bien déjà le mercredi? Laissez parler les gens, coupez pas la parole. Attends, on a perdu le chroniqueur de sport là. Et c'est qui ça? Ah ouais, il dort. Il est parti, je sais pas où là. Ouais, il fait dodo là. Attends, Jason, attends. On va les réveiller avec en musique. C'est les médicaments ça, Martin ça. Martin, c'est le médicament ça? Non, c'est pas le médicament, il fait des absences. Non, moi, tant que je suis pas santé professionnel, ce sera toujours blaqué. Mais il va se réveiller là, il est même ils m'ont demandé mon nom à l'accueil, j'ai dit blaqué, c'est avec le sourire. Ouais. Parce que je sais qu'ils voulaient mon nom de famille et mon prénom. Très bien. Mais ouais, mais non, Villebra. Là, j'espère que la radio, ça va être bien aujourd'hui. Je sens tes pères, c'est là, pas motivé. Mais là, là, non. Ouais. Bénévolat, c'est plus de mon âge. Moi, c'est très bien, je t'appelle Black S. Tu peux m'appeler Black S aussi, hein. Voilà. Les gens me connaissent plus sous ce nom que mon prénom. Hein. Ou Black Eyed Peas. Pas du tout. Je m'en fous, j'ai le mot de passe et je connais leur mot par cœur. Et je prends une total et on revient chez moi. C'est à moi que... Bon, ça, ça, y a une page là à la radio, là, mediamanif.org, il montre tous les manifs qui sont en ce moment. On est à 12 minutes de commencer notre. Bientôt ça va commencer. Il y a des manifs partout. Tu, attends, il faut. Mon vrai prénom, attends, on partage pas, le micro là. Je m'appelle Jérémy Joachim Pacôme. Ah, pas mal. Moi, c'est Adrien Fabrice Jean-Pierre Marie. Encore plus long. Mais c'est des prénoms séparés. Du coup, s'il dit JJP, ça veut dire Jérémy Joachim Pacôme. Allez. Ou de JP, c'est pareil. De JP, c'est pas mal ça. Ouais. Et mon nom d'MC, c'est Black Ace. Tout JP. Ouais. Vous avez nom, parlez au micro parce que sinon. Vous avez des nouvelles de la musique, ce qu'elle m'a enregistré. Votre ami. Il parle de Lydia en fait. Il parle de Lydia. Bah, elle, il parle de Lydia. La métisse. Il, tu parles de Lydia. Faut que tu demandes à Martin. C'est de quoi? Connexion à Martin. De quoi? Tu dis quoi? Vous attends, il faut un micro là pour le Ringo. Quelle petite? Lydia, ah, là. Il parle de Lydia. Ah, il parle de Lydia. Lydia, quelle Lydia? On n'a pas eu de Lydia. Mais il n'y en a pas deux, Lydia. Ah, Vivia, Vivia. Ouais, Vivia. Ouais, non, j'ai pas vu parce qu'on est parti, tu sais tous, en août, on était un peu en vacances, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, j'étais au Chili, en Argentine. Trois semaines, mais c'était pas fort. C'était un peu de vacances et après, j'ai travaillé là-bas. J'ai oublié de travailler là-bas parce que c'est tellement cher le billet que si tu travailles. Ouais, c'est cher. Faut payer le billet, quoi. 1500, ça m'est déjà arrivé de lire quelques textes ici, mais aujourd'hui j'en veux pas. Ah oui. C'est cher quoi, c'est la fin du monde. Ouais, tu vas chanter 3, attends, mais. Il y a le grenadier qui arrive. Tu veux faire de la guitare, Alex? Ouais, la guitare. Sick of Tash. Envoie ça. Spoon me up, hold me down on my knees and chest. I'm a pinball game and game. Physically change. Mind of Tash, you cannot be patient. I am the patient. It's a bad medication. Yeah, yeah. Là, là c'est la musique pour l'instant. Quand tu parles, tu mets pas la haute fréquence sur les micros là. on va... Attends, Jason, Jason. 7 minutes avant d'être en ligne, 7 minutes. 7 minutes chrono avant d'être en ligne. Bon, Jason y est retour. De retour, notre chroniqueur de sport. Voilà. Exactement. 7 minutes chrono. Ça a pu dévier. 7 minutes chrono. Ça a pu dévier dans la salle à manger. Mon colonel. Mon colonel, qu'est-ce qui se passe? MTR, t'en fais. J'ai pas vu Adrienne dans la forêt ni Martin. Fais deux textes. Ouais, deux. Vas-y, moi je te dis après pour deux textes. Vas-y. Eh oui, toc toc moi là. Oh, c'est qu'elle est la cam, coude, boule, balayette, j'ai le coffre-fort du numéro. Sale kiosque de merde. T'es parti, je fais la nuit. Vas-y. Ok. Ok, ok. On met les armes dans les politiciens. Ça fait du bien quand ils tuent. Avec les politiciens, ils étaient pas le chaque journée dans leur tête. Ça va les faire du bien. Ils vont fermer leur gueule avec leur tête. Ah, toi, Kevin. Et c'est parti, le malaise enchanté. Ouais, y'a pas de problème, je te mets un coup de balai. Et moi, je te mets un coup de boule balayette en même temps. Mais Apollo Creed. Apollo Creed, c'est le nick Apollo Creed. Tu me casses les couilles, je vais t'en encore péter ta gueule avec toi. Ouais, moi aussi. Un petit canaillou. Ouah, faut vous dire, petit canaillou. J'ai joué dans un nombreux film. Le petit reporter, l'américain. Daricole, vous le connaissez? Non? Adrien, gros matin. Ouais, tu connais que celui-là, toi? T'es imitateur de mon cul. Ouais. Attends. Vas-y. Des patates tellement, t'auras des yeux ouais, t'auras un délu sur tes fesses. Et Falco, t'auras plus de dents. Comme ça, les meufs, ils se cassent de toi. Dès qu'ils vont te voir avec un nez au moins, les dents au moins, ils vont dire au secours, qu'est-ce qu'il est horrible, ça sort. Ah, ça monte. Spider-Man, mon tête. Mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Mais tu fais la balle. C'est joli, ça. Et la chanson de la tête. Vas-y, vas-y, vas-y. T'as le matin. T'as le matin, j'y fais, mon frère. Frère Jacques, dormez-vous. Fêtez-vous, sautez les matines, chez des crottes, chez des crottes, sautez les machines, en rond, ding dang dong dong, on a chez des crottes. Wow, tout de suite, banderas, t'es sale race. Bon, on est 4 minutes. Dans 4 minutes, ça commence seulement. 4 minutes, ça commence l'émission en direct. Tu présentes Jérémy ? Jérémy, Antonio Banderas. Antonix. Martin, Antonix. Ah, Antonix. C'est Antonix s'appelle. Antonix. Antonix, ouais, j'ai compris. Antonix. J'ai compris. Et moi, Spider-Mo. Non, ça, j'ai pas compris. C'est quoi? Spider-Mo, c'est moi. C'est Spider-Mo. Spider-Mo, M-A-U-X. Ok, c'est pas mal, Spider-Mo. Ouais, deux têtes. C'est ma coupe de boule balayette, non? Spider-Mo ou Spider-Mal? Spider-Mal. Non. Spider-Rap. Non, non, non, ne tape pas les micros. Arrête, on va être cassé là. Ok. Hey, Encore toi, tu me fais chier, toi. On est là. Fais la pluie. Ça commence en 3 minutes. Metanoïa dans tes fesses, pour toujours. Pas d'accord. Mais dans le courage, on va être en ligne dans, je sais pas, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, c'est qui commence? Jérémy, tu présentes l'émission? Non, c'est Adrien qui... Adrien présente. C'est Adrien qui... Ouais, mais il faut un micro, là. Et après, vous faire les programmes et on y va. Et on commence dans quelques... dans deux minutes, messieurs, dames. Messieurs, dames, on commence dans deux minutes. Voilà. Voilà. C'est pas possible, il n'y a qu'une femme. Encore des femmes. Moi, j'ai pas trouvé ma femme. Elle est Adrienne dans la forêt, j'ai laissé. Qui ça? Gargamel, la femme de Gargamel. Ouais, Gargamel. Eh mort, elle est où ma mayonnaise, ma bière? Voilà, ma femme, c'est la plus belle, c'est la ch'troufette, alors fais gaffe. La truffette allumette, elle fait que des bêtises. Ah, t'inquiète. Mais elle est très très belle, blonde. J'adore ça. Ça commence dans combien de temps, là? J'en ai marre de m'imiter. Tout. Oh non. Là, c'était genre l'équipe grave. Ok, ok. On est... Ah oui, ah oui. Ça tombe la pluie. Ok. Metanoia, une minute. Le moteur. Une minute. On avait retour notre chroniqueur de sport qui est parti en voyage mental à voir le match de foot, je sais pas où. Metanoia en vitesse, met ta culotte à l'envers. C'est le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Ok, une minute pour... Encore une minute. C'est le temps qu'on les temps des Lubert, tu sais, c'est une minute. La liberté minutes, dans une minute. La liberté dans une minute. Le soleil. Le soleil est cassé en mille morceaux. Mon frère, la biscuite ou le blesmou, la biscuit ou le blesmou. J'ai une grosse belle crotte. Ouais. Voilà, on est... il est 17h, messieurs, dames, et c'est le métanoïaque. Yeah, yeah, yeah, bienvenue sur Métanoïaque, la radio tous les mercredis 17h, et aujourd'hui on a un programme. C'est pas mal déjà, on est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai, t'es d'accord hein. Toc, mais voilà, coup de boule balayette. Coup de boule balayette dans le programme, je vais présenter ça vite fait. En premier on va MTR, que je ne présente plus, le rappeur du 93, Montreuil, qui va nous faire un ou deux freestyles. Dans la foulée, Black Ace, pareil, ouais, deux freestyles. Ensuite, Ringo, deux freestyles. Tout le monde s'est dit que tout le monde s'est mis d'accord pour faire deux freestyles aujourd'hui, visiblement. Ah ouais. C'est ça. En quatrième, ensuite, on va avoir Barbara, je crois, qui est jamais venue à la radio encore, c'est ça? Non, s'il est venu déjà. Elle est déjà venue. Ah, mais c'est moi qui l'ai jamais vu. C'est toi qui l'ai lire. Qui va nous lire deux poèmes. On est, le chiffre 2 est très présent aujourd'hui. Et enfin, on va terminer avec la chronique sport de John. Ouais. Yes. Hey John. Hey John Well. Bon, il y a la manif aussi partout aujourd'hui. Hein, donc ouais. Bon, là, il y a la pluie, malheureusement, avant dit. J'espère qu'il ne va pas faire fuir le manifestant. Pour que... Voilà, donc nous, on est en grève radio aussi. Hein. Ringo, on est en grève aussi, hein, tout le monde. Hein. Alors, on va commencer avec les programmes qui vient de dire Adrien. C'est qui commence? Et c'est MTR qui ouvre le bal. Ok, MTR. Lui met son instru. Moi j'avais noté. Ah non, j'ai pas l'instru. C'est quoi l'instru Bah vas-y, je te mets l'instru si tu veux. Vas-y, j'arrive mon portable, j'arrive. Non, non, mais attends, attends. Sinon, on fait quelqu'un d'autre avant et après. Va chercher pour l'instant ton portable pendant que quelqu'un commence. Voilà, vas-y, prépare MTR. Il faut que tu ailles chercher ton téléphone pour la musique. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, on va passer tout de suite à Black Ace. Vas-y, Black Ace. Et voici Black Ace. Ça fait combien de temps de préparation MTR? Sinon je commence, hein? Vas-y, c'est bon. C'est bon? Tu commences ou je commence? Vas-y, je commence. Okay. Mais malgré les effets secondaires, je suis là, en psychiatrie. Ouais, j'ai envoyé YouTube, j'ai envoyé... Aldol, merci, enfoiré d'Aldol. Tu as envoyé quoi? Ah, ici, ah, tu vois là, pardon, pardon. J'ai envoyé. Vas-y, vas-y, attends, je le... Pedro, la choucroute. Mais plus fort. Et les légumes. Dans tes fesses, les légumes. Ouais. C'est trop bas, là. Faut te mettre un potager dans tes fesses. J'ai augmenté. Pourquoi tu la parles comme ça? Ok. Attends, maintenant je vais surmonter que c'est ça que je redoutais en fait. Parce que maintenant, si je quitte le. YouTube. Parle le micro, s'il te plaît. En fait, si je quitte YouTube pour aller sur mon texte, ben l'instru mais reste touche pas. Touche pas le micro parce que sinon ça fait trop de bruit. L'instru reste pas, ça qui m'énerve. Bah là, tu peux donner à Adrien qui met le YouTube. Non, il va me filmer, Adrien, ça. D'accord, mais dis-moi alors, c'est quoi qu'on YouTube? Mais bon, on va passer à MTR qui est prêt là, parce que personne n'est prêt là. Je veux pas MTR, confirme, vas-y. Vas-y, MTR. Attends, Je veux pas qu'on me filme. Un black case, passe-nous le câble. Black case, passe le câble pour Inter. Oh, c'est lightning, hein. Les câbles, là, qui est dans ton téléphone. Parfait, ok. Voilà. Et tu viens me dire, ton les YouTube. Vas-y, Inter. C'est pas le bon. Est-ce que t'as le. Est-ce que je sais pas, attends, je vais voir si je l'ai. Mais bon, c'est supposé qu'on ait un programme, qu'on était prêt, mais il paraît qu'on est tous en grève. Non, grave. Attends, non, mais j'ai pas les câbles. Ah, sinon, on a je sais pas. Barbara qui est prête. Hein. Barbara, vas-y, Barbara, pendant que les autres se préparent. Aussi, Ok, quel... attends, je vais te mettre. C'était quoi l'instru qu'elle voulait Trap 3. Mais évidemment. Bien sûr qu'on te permet. C'est sûr que t'as le droit de chanter quand même. Ben ouais, t'as le droit de chanter avec Adrien. Attends. On va faire un Barbara. Et attends si ça marche. Elle est morte, Adrien. Attends, il y a d'autres. Attends. C'est pas ça. Attends. On est tous en grève aujourd'hui. Hein. Même si on est en grève, on est en grève mentale. En grève mentale. D'accord. Ok, on va mettre là. Trap 3. Hey, voilà. Attends, hop. Alors. Il y a trop d'injustices sur Terre, des milliards d'êtres dans la misère. Seul Dieu pourra mettre fin à cette guerre spirituelle. Et mettre la paix éternelle pour enlever la précarité, les damnés, la géhenne et l'inimitié. La persévérance ne peut rester en errance face à la violence de l'inimitié animée dans le cœur des hommes qui, au lieu de se révolter face à l'injustice, crée ce qui est ignominique. Merci Seigneur, gloire et honneur à Dieu la miséricorde, le Dieu miséricordieux qui me protège en tout lieu. C'est beau! Bravo. Bravo Barbara. Ah, lequel? Le même son? Et ok, on y va sur le même son. Non mais, attends, mais est-ce que Barbara elle avait un deuxième texte ouais. à nous lire, je crois? Barbara. Non? J'avais un troisième texte. Un troisième texte, et ben on est parti, on enchaîne. Ouais. La même instru. Ce soir, un bon film Arte. Et pendant ce temps-là, MTR, il va nous trouver un adaptateur pour son... Ah non, je vais mettre sur mon tel. Ah mais non, j'ai besoin d'un lightning, moi aussi. Ouais, non, mais sinon, tu peux me dire, MTR, je le mets là. MTR, cherche YouTube, YouTube sur l'ordi de Martin. Mais dis-moi lesquels. Attends, après Barbara. Après Barbara. Allez, on est parti, c'est bon. Alors moi, la vérité, c'est que je suis slameuse et aussi rappeuse. Et mon nom de scène, c'est Bar Raffaelli Lala M. Alors, on peut mettre un peu plus fort l'instru. Le Rastafarian n'est pas sectaire. Le Rasta a le devoir de protéger la terre. La terre, en plus d'être alliée à elle, c'est la terre du Dieu éternel, créateur tout-puissant. Il nous a pas donné une parcelle de terre, il nous a offert la terre entière. Toutefois, nous devons faire preuve d'humilité et de gratitude pour se rappeler toujours que cette terre a eu un créateur. Ce sont les Rastas qui permettent d'apporter un changement à cette terre et toute l'humanité. Et c'est les femmes qui changeront la terre entière et ce système. C'est les femmes qui changeront ce système. La terre entière doit honneur à nous les femmes qui ont bâti aussi et qui sont pas à mettre à la ramasse. À mettre aux oubliettes. C'était Bar Raffaelli Lala Bravo. Au final, après MTR, moi aussi on me laisse sur cette entrée. Alors c'est super, merci Barbara. Je sais qu'elle est bien, t'inquiète. Wow. C'est moi, je l'ai ramené, t'inquiète. Mais Barbara, elle a inspiré tout le monde. Ouais. Ouais, attends, mais c'était comment ton nom de scène, Barbara? C'est Barbara AAM, c'est quoi? Bar Raffaelli Lala M. Bar Raffaelli. Bar Raffaelli Lala M. Bar Raffaelli Lala M. Fort fort, hein. Lala M. Magnifique, Lala M. Magnifique, fort fort. Ouais. Lourd de ouf. Ah, tu tombes par terre. L'instru, l'instru est pas mal, j'aime trop ça. Ouais, mais celle qui a apporté la mélo à l'instru, tu vois. L'instru, elle avait la mélo déjà. Mais elle, elle a rajouté le mélo, tu vois. Elle a rajouté le mélo, tu vois. Elle le sait par cœur en plus. Arrêtez parce qu'après je vais. Elle va pleurer après, arrêtez. Bon, on va. Super, ma barre. Tu as encore un troisième texte? Je vais faire une improvisation après, je laisse les autres. Ah, moi aussi, okay, après, hein. Après. Non, mais vas-y, continue, vas-y. Ah non, on va voir si vous faites mieux après. Elle va venir. Ah oui. Elle va venir remettre une couche après. Elle va nous éteindre, MDR. Mort de rire. MDR, lol. Vas-y, tu commences. Moi, de toute façon, moi, c'est un truc, je l'apprends. Et la deuxième, je sais, la c'est deuxième, je vais choisir quoi, t'inquiète. Son, j'aime bien, moi aussi, j'aime bien. Moi, les moi aussi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. En, ah, gros, en gros, c'est du rap latino. Merge. C'est de la trappe latino. Elle est où, ma mayonnaise, merge. C'est de la trappe latino. C'est de la trappe latino. Mon père, il m'a dit. Pas le micro, MTR. Montonné. Arrêtez, je vais prendre le micro pour moi. T'as des micros Montonné. Bon, est-ce qu'on part sur MTR, là, vite fait? C'est bon, on est prêt. Non, mais il a. Tu veux le même. Ouais, les couilles, tu crois, ça va bien. Tranquille. Vas-y, MTR. Le métro. Métro 9. Ou le métro, ça dit quoi? Il faut que j'écrive. Bah non, mon blague, c'est MTR le métro parce qu'il y a très très vite en freestyle. Et peu à l'équipe. Vous avez peur sinon, ça a été votre journée, le travail, la manifestation. Il est où le style? Et puis voilà. Bon, là, j'ai un petit instru. Que t'as mis tout à l'heure. Moi, j'ai un petit texte à rajouter en plus. Ouais, c'est bon, on peut commencer. Gra! Gra! Eh, chut, MTR, 80 sans l'équipe, c'est le métro qui passe toujours vite. Elle rentre dans le Viano, elle ouvre ses portes comme un château. Tu rentres dans le Viano, c'est le château. Quand tu rentres dedans, il y a Louis XVI. À l'époque. Pardon ? À l'époque, Versailles, le port de Viano. C'est comme le piano. J'ai cru le piano, j'ai pris le piano avec la corde. On a pris le métro, c'est un Viano, on monte dessus. Toutes les filles montent dans le Kaji avec le Viano. Elle a pris un piano pour faire la mélodie. Elle fait Elodie, Madame Elodie. Fait la mélodie, rentre dans la mélodie du piano et du Viano. Elle a San Francisco. Elle a voyagé en Grèce parce qu'elle a plein de graisse sur elle. Mais Freddy, c'est un film d'horreur. Il lance plein de cafards. Il est ténébreux. Il monte dans le Viano et c'est un film. Un film d'horreur mais en Viano. La Viano transforme en Freddy. Il lance plein de cafards par terre. Y'a pas après? Vas-y. Les cafards s'installent. C'est comme des termites qui volent, on dirait des soldats. La piraterie en mode Freddy, avec le drapeau DKR. Freddy c'est un DKR avec la peau black, comme du chocolat. Elle s'installe, toutes les femmes s'installent. Avec Freddy, il se transforme en prince, le petit prince. Parce qu'il vient tout droit de Montreuil. Le prince de Montreuil, c'est moi MTR, c'est le métro. Le métro de la ville et le prince qui passe tout droit du chemin. Le chemin ça passe avec le 616. Quand je monte dans le bus, je transforme en métro. Parce que je vais vite dans le taf. Je mets tout le cœur, l'inspiration dans le texte. C'est pas les freestyles que j'ai fait auparavant. Le freestyle j'améliore ses douceurs comme un poème. Le poème de la fleur. Avec du feu bien caliente, on se croirait en Espagne. L'Espagne c'est chaleureux, c'est comme le Viano. Quand tu montes là dans les sièges sportifs, quand tu démarres le sportif, le moteur est bien caliente, c'est comme de la flamme olympique. Tout droit de Montreuil, situé au nord et au sud, c'est comme la Corée du Sud du Nord. Et c'est Bondy, le quartier sud des Nord. La guerre ça mitraille comme Montreuil sous bois et Bondy. Bondy Nord, Bondy Sud, la guerre ça passe comme la Corée. Arrêtez la guerre, faites la paix parce que Bondy c'est une belle ville comme Mbappé. Mbappé c'est le soleil de la TN. Coucher de soleil, il se lève les bras. Les bras on dirait un arbre avec des branches. tout droit de Montreuil, sous bois, la Corée du Sud, le Nord. C'est comme Bondy Montreuil, quand voit l'heure et le Sud, c'est comme la Corée, à tirer la bagarre. Sortez les pistolets, mais jetez par terre en l'air, parce qu'on veut la paix et le Christ. Bondy, le 93 département d'Mbappé. Même Doudou, dédicace à toi, mon frérot. Je t'aime, frère, frère, très fort, mon petit frère. À toi, mon frère. Doudou, mon frère. Doudou, je t'aime, t'es mon petit frère. Avec la barbichette comme Tupac. Doudou, c'est Tupac, c'est mon frère. Avec sa voiture Force Focus. On dirait une Viano quand tu montes dessus. Un par un, pilote comme un avion de chasse. Partez à la rafale. Doudou, c'est mon frère. Dédicace à toi, mon frère. Je t'aime trop, tu es mon petit frère. Doudou, c'est une peluche. Il dort par terre, mais sur le lit, il se lève comme une montagne. Doudou, mon gars, on dirait une peluche. Couleur chocolat. Quand le croque, on dirait un malteser. Mon gars, Doudou à Montreuil, 93-100. Le sang de l'équipe, de la veine, c'est rouge comme du poison rouge. Oh, c'était comment l'équipe? Lourd. L'instrument elle est trop magique parce que là t'as kické avec du flow. C'est la première fois que je t'entends kicker avec du flow. C'est que ça veut dire que la trap latina ça te va bien. Kick sur la trap latina, fais que ça. C'est pour toi. La trap latina c'est pour toi. T'arriveras à kicker avec des flows de ouf là. Sinon, vous avez comment le freestyle? C'était comment? C'est excellent. De mieux en mieux. J'ai pas écouté le texte hein. J'ai même pas écouté le texte, frérot. Juste le flow. Ah, franchement, c'est un bon freestyle. Ça a bien géré. Ah, merci. Franchement, y'a rien à dire. Ouais, c'est après, bon, Anthony. Après, je suis pas Doudou parce que c'est mon petit frère pour moi. Je le considère comme mon petit frère. Il m'a fait tout pour moi. Il fait beaucoup de choses. Moi, franchement, je mets à cœur ce petit frérot. Moi, j'aime trop Doudou. C'est mon frère. Il fait beaucoup de trucs. Pour moi, quand je le vois pas aujourd'hui, ça, c'est triste un peu. Pour moi, c'est triste un peu. Je l'aime trop. Il a le même prénom que moi. Mais franchement, c'est mon petit frère, j'aime trop. Je l'aime beaucoup ce garçon, il est calme. Bon, des fois, c'est un nerveux. Quand il va ici, c'est un nerveux, mais c'est un garçon calme. Il aime bien la paix, tout ça. Il est comme moi. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a du bruit partout, j'aime pas. Moi, je suis quelqu'un de bien, au fond de moi. Mais quand il y a du bruit, tout ça, j'aime pas trop, tu vois. Mais après, la radio, c'est bien. Aujourd'hui, ça va, ça a été, c'était bien. J'ai bien participé, c'était bien. Tout le monde s'est entendu, tout le monde a fait son flow, tout le monde a fait ses paroles. Franchement, faut que la radio ça continue comme ça. Faut pas que ça parte en cacahuète, tout ça. Là, ça va mieux. Là, j'aime une radio comme ça quand c'est en douceur. C'est comme une pétale de flamme, tu vois. Faut que ce soit bien. Comme ça, poète. C'est un poète entre parmi nous. Deuxième texte. Et voilà Barbara deuxième qui a écrit son slam en 2 minutes. C'est pas fini. Quelques secondes. J'ai un deuxième c'est pas là. Fini, hein. C'est pas fini. On respecte les partitions de chacun. Ouais, mais on c'est respecte juste... les partitions. Oui, mais Dominique, il fait un peu le bruitage. Donc, il a les droits de faire de son, de fois. Non, il fait pas mes bacs à moi. Il fait pas mes bacs. Pas les bacs, mais l'autre aussi. Okay. L'équipe, là, j'ai un freestyle numéro 2. Vas-y, même son ou un autre? Ouais, le même. Le même. Ok, on y va. MTR, c'est le métro. Deuxième freestyle, s'il vous plaît. Le métro part dans le tunnel. Il s'arrête pas, il fonce comme un pilote d'avion. Il est parti tout droit de Montreuil. MTR, le métro passe. Tous les voyageurs montent dedans. Quand tu passes, on dirait. Comment ça s'appelle? On dirait. Retour vers le futur, il passe dans l'air. Musée de l'air et l'espace au Bourget. Mais c'est le train qui se transforme en voiture DMC. Ça va, Dominique ? Tous les pilotes transforment en avion de chasse. Il passe tout droit de Montreuil. Quand il vient, il monte dans le métro. Le métro c'est un avion. Il passe tout droit. Ça fait là, là. Tous les voyages montent. On voit tous les gens qui montent dans l'avion. Ils voyagent dans le paix, le silence. Il y a plein de monde sur le terrain. Le terrain c'est comme le foot. Mais c'est l'avion, il y a tout le monde. Les rappeurs et freestylers. On a vu tous les gens voyager comme un bateau. Ça pilote bien comme un volant de voiture. Le volant, c'est un cerf-volant quand il va tout droit. Il voyage le sang de la terre. La terre, c'est grand, c'est précieux. C'est comme la pierre précieuse. Elle vient avec le petit chant tout doux. C'est le mouchoir et la pierre précieuse. Quand elle s'allume, on dirait un briquet avec toutes les couleurs. La couleur de la France, c'est la couleur de la douceur. Il y a plein de choses qui se passent sur terre. À l'époque, c'était bien, en 90. Respecter les anciens, les nouveaux générations. C'est pas Mbappé, nous c'est les anciens. Respecter les anciens, tout ce qui est en 90. On aime bien tous les anciens, respect dans le quartier. Bondi Sud, Bondi Nord, la Corée, il faut que ça se respecte. Pas de guerre dans les cités, dans les quartiers. Venez, droit de Montreuil, de Bondi, faites la paix, faites le clip avec tous les rappeurs. La paix et l'amour dans le rap, c'est important. Si les quartiers font la paix, le clip sera bien, il sera léger. Quand tu vois des femmes, on dirait des pétales de fleurs. Elles sont toutes douces, elles sont mignonnes. C'est chaleureux comme des Barbie. Les Barbie girls. On sera aux États-Unis avec Tupac, Biggie. Quand ils sont partis au ciel, dédicace à eux. Les bons rappeurs de France et d'États-Unis, tous les rappeurs réunis, faites un clip. On aime les flammes olympiques, les 24, les JO. Elles se posent comme une pétale de flamme, avec le casque en douceur. Quand tu regardes, c'est un laser game. Tous les gens s'en vont. Ils vont partir à la retraite. Force à eux. On dirait les flammes olympiques. Parce qu'il y a plein de flammes dans les quartiers de France. Il y a tout le monde. Quand tu vois les humains, c'est comme des arcs-en-ciel. Couleur de peau différente. Du jaune au chocolat, c'est la couleur de peau, c'est comme du miel et du chocolat. Tous les gens que tu vois, il se passe plein de choses dans le monde. Faites la paix, pas la guerre, pas de fusil. Sortez une plume et une flamme, comme un pétale de rose. Ça sent la pétale de rose, ça sent la douceur avec le bougie. Voilà, c'est bon. Ouais, c'était comment, c'était comment? Je pense que c'est beau, hein. Ouais. Beau message, d'accord. Et c'était comment le freestyle sinon? Je crois qu'on m'entend pas. On m'entend? Oui, on t'entend, oui. Toi, tu t'entends? Attends, tu mets plus fort le casque peut-être. Attends, pas, je crois. Tu t'entends pas? Attends, les casques. Et elle a écrit son texte en là, deux minutes, vous rendez compte, Barbara? Oh, l'équipe, j'ai l'équipe, vas-y. Vous rendez compte de ça un peu? Elle le sait par cœur maintenant dans la tête. Non, pas du tout. Attends, c'est bien. Fait, Barbara, j'ai deux textes, je suis prêt. Je suis prêt. Moi, j'aurais voulu Martin. Martin. T'inquiète, tu passes après moi. Moi, si tu veux. J'ai pas l'impression. Ah, si, c'est bon, Martin. Ouais. Je voulais dire que le texte, il était bien, il avait passé. Il faut que tu mettes. Parle plus proche du micro, là, sinon. Tu il vois. Avait passé un beau message pour la paix dans les banlieues et il fallait retenir pour la qu'il paix. Est passé. Ouais, mais MTR, il est speed, il est de speed, il est déjà parti, là. Ouais. T'as pas entendu. Mort, j'allais où la mayonnaise et la bière? J'ai bu 7 bières. Tout a commencé sur des manchettes balayettes. Et là, maintenant, on est sur des... Ouais, oui, docteur. Okay. Mon père, il m'a dit qu'il ira loin dans la vie. Moi, je suis prêt, regarde. J'étais à l'épicerie et je suis revenu. C'est mon tour. Allez-y, monsieur. C'est bien moi. Ouais. Du coup, je vais filmer, du coup, tu vas mettre la même. Et en deuxième, tu vas mettre Tupac. Parce que moi, j'ai plus là, les souvenirs de toutes les instrus que je t'ai donné. Aller vite... Moi, non je vais mais en... tu as trap 3, trap 4 non chat. C'est pas de la trap, c'est du boom bap. Et le premier boom passe... bap, il est où le boom bap? Dance call? Non. Faut le trouver, la flemme, on n'a pas le temps. Merci. Martin, okay. Fais comme merci. Je te dis. Mais celle que t'as mis pour Barbara. Et ouais. Et après Tupac direct. Ouais. C'est bon. Ok. Aimer ne me réussit pas. Aimer ne me réussit pas. Aimer ne me réussit pas. Aimer ne me réussit pas. Aimer ne me réussit pas. Ça y est, j'ai sorti la mélo. La gadi dansure, quelques flots. Elle cherche et ne cherche pas. un duo. Son cœur part en mélie, mélo. Ça y est, j'ai sorti la mélo. La gadi danse sur quelques flots. Elle cherche et ne cherche pas un duo. Son cœur part en vrille ou en mélie, mélo. Ok. Ok. Après travailler, tout ce qu'on veut, c'est du réconfort. Après batailler, je ne dirai pas non si elle veut que l'on sorte. Après travailler, tout ce que l'on veut, c'est du réconfort. Après batailler, je ne dirai pas non si elle veut que l'on sorte. Aimer ne me réussit pas. Aimer ne me réussit pas. Pour une fois, vive la vie, augmente l'adrénaline. Pour une fois, vive la vie, fais en sorte qu'elle t'anime. Pour une fois, vive la vie, augmente l'adrénaline. Pour une fois, fais en sorte que la vie t'anime. Pour une fois, pour une fois, pour une fois, pour une fois, pour une fois, pour une fois. Ça y est, j'ai sorti la mélo. La gadi danse sur quelques flots. Elle cherche et ne cherche pas un duo. Son cœur part en méli-mélo. Ça y est, j'ai sorti la mélo. Ouais, bravo. Ok, mais ça, maintenant je rappe maintenant. Maintenant je rappe. Je trouve que je rappe. Tupac, ça peut aller, mais attends. Super, super, super note. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est vraiment spécial, trop pacifiste, hein. Romantique, tout le monde est calme. Ouais. C'est... En tout cas, moi je suis pas habitué. Hein. Et moi, je l'ai où ma mayonnaise? Et ma bière? T'es pas habitué? Okay. C'est bien un peu, non? Qu'est-ce que tu penses, Jason? Ça va? C'est le retour de la vacances. On est détendu. Je suis chaud. Tu peux envoyer tout pack dès qu'il a fini. Deuxième passage. Tu filmes pas ça non plus. Excuse-moi, Adrien. Ok, tu voulais quoi? Tupac de quoi? Tupac, c'est intitulé Tupac. C'est intitulé Tupac. Tupac, Tupac. Dans le dossier, il y en a qu'un. Dans ton dossier. J'ai pas fini de tous les intitulés. Quand je les aurai tous intitulés, ce sera facile. On pourra s'y retrouver. On pourra s'y retrouver quand. Voilà. Yeah. Ok. Ok. Ok. Hein. On aura beau être égaux. Pas pour autant ex aequo. On aura beau être égaux. Pas pour autant ex aequo. Yes. Garde en tête, l'ego trip n'est pas une compétition de lettres. On s'exprime au-delà de ce que l'on veut être. Peut-être est-ce la flamme du poète. Le public salue les plus corrects. Les MC allument une politique qui ne nous est plus connexe. L'espoir est un rêve, j'aimerais bien le connaître. Ok, ok. Je suis à l'aise lorsque les MC disent à l'aide. C'est là qu'ils comprennent à quel point je suis balèze. Balèze, ok. Le blême pro de l'humain, c'est qu'il aime trop l'humain. Prendre l'âme d'une main, cela rend moins humain. Ok, on est ensemble ou ensemble? On est ensemble ou ensemble? Société à 100%. Toute vie a un sens. Société à 1%. La vérité ignore mes doutes, la somme j'adoube et je me dédouble. On m'a dit de rester cool, mais que faire, Babylone déboule. Je brise les soucis qui m'étouffent en chacun de nous. On est un tous, yes, yes. Durer la précarité, surer ma réalité. Plusieurs manières d'y arriver, à commencer par lutter. Durer la réalité, sur... Ok. Durer la précarité, surer la réalité. Plusieurs manières d'y arriver, à commencer par lutter. Durer la réalité, surer ma réalité. Plusieurs manières d'y arriver, à commencer par lutter. à commencer par lutter. Durer la précarité, surer ma réalité, plusieurs manières d'y arriver, à commencer par lutter. Durer la précarité, surer ma surer la réalité, plusieurs manières d'y arriver, à commencer par lutter. Durer la précarité, surer ma réalité, plusieurs manières d'y arriver, à commencer par lutter, à commencer par lutter. Po-po-po-po. Bella CK Ace. Les instrus ne sont pas les nôtres. Tant qu'on fait pas de profit, on fait des phases B, des phases B. Bravo, bravo, bravo. Emma. Bravo. Bravo, bravo. Emma, je voudrais de l'hydromel, moi. De la mayonnaise. Hydromel, c'est bien. J'en ai de l'adrénaline et de la dopamine. Ouais, oui. Dans l'hypophyse. À gauche, l'hypophyse. 8 Hz d'électricité qu'on fait l'amour. L'hypophyse, là, à gauche. Voilà, à gauche, tu peux filmer. Non, tu me filmes pas, je suis cascadeur. Allô. Là, je sais pas si c'est mieux pour moi. Ouais, on te t'entend bien là. Là, je sais pas. Non. Attends. Je ouais, si, on t'entend bien. Hein. Là, on m'entend. Ah oui, là, on m'entend. Ouais, ouais. Je vais essayer avec le micro pour voir comment ça fait. En menton. Garde. Comme garde, un mouton. Ce micro, si tu vas bien. Ouais, oui, j'ai voilà. Le micro. Est-ce que je peux commencer? Bien avec sûr, ma petite Barbara. Avec l'instru. Okay, avec l'instru. Notre instru, là, on va chercher. L'instru numéro 3, je crois. La même? Non, on peut en chercher. Si, la même. Non, je veux encore la même. Une autre. Non, je veux une autre. Attends, ça. Ça, regarde. Non, je veux la... Bah, alors, je sais pas, parce qu'il faut que je cherche laquelle... Non, la même, parce que je peux pas... Attends, je vais mettre une autre. Je sais pas. La même. La merde, ouais. La même. Attends, regarde. Non. Elle est bien, c'est du chantant, ça. Bon. Non, je voudrais l'autre, là. Franchement, c'est mieux. Ok. Parce que il faut que je cherche les instrus et tout ça. D'accord. Oh, sinon, regarde, tu as un trap 1 aussi. Attends, c'est quoi trap 1 aussi. C'est de la trap, voilà. Mais. Bah, l'accent que t'as. Ça, c'est de la trap sentimentale. Trap sentimentale, ça. Émotion. Non, il faut que j'aie l'autre. J'ai kiffé l'autre. J'aime bien. Elle est un coup de cœur. Elle est un coup de cœur pour l'instru. Bah. On m'entend pas vraiment. Si, j'entends. Attends, je vais mettre plus fort là. Tu t'entends ou pas? Je m'entends, ouais, ça va. Ça va? Bar Raphaël Ilala, je suis né dans les Hauts-de-Seine, 92, indétrônable. Je suis psychédélique, femme authentique. Je mets mes larmes de côté, car ma mère me fait semblant de m'aimer. Je dois lui pardonner. Elle ne sait pas quelle, quelle merveilleuse femme elle a mise sur terre. Grâce à Dieu, elle me maltraite pour me montrer que la vie est dure. Le lien est rompu, ça fait mal, c'est sûr. Mais j'ai Dieu pour sécher mes larmes, loin de ce monde obscur. C'était Bar Raphaël Ilala, C'était Bar Raphaël Ilala, Je peux faire une impro, mais je vais essayer. Vas-y, improvise. À toute l'humanité, je dois vous dire qu'il est temps de se révolter. Qu'il est temps de s'aimer. Qu'il est temps d'aimer son côté, son état intrinsèque. Et de se rebeller face à un système qui nous veut. Être des êtres Machiavel. Et voilà, des fois j'arrive à improviser, des fois j'arrive pas. Alors là, je vais m'arrêter là. Bravo, bravo. Super, bravo. Emma, j'allais où ma mayonnaise? Merde. Et ma bière, j'ai bu 7 bières aujourd'hui, ça va défoncer. Tu pas deux, hein. Tu m'as dit 3. Hein. Amour révolutionnaire aujourd'hui. Ah, c'est bien. Ouais, ouais. Merci Barbara. Est-ce qu'on... Merci Barbara, c'était super. Merci. Ringo, c'est toi normalement après, là. Est-ce que t'es prêt? Tiens, j'étais dans les casques. Je prends le casque de Martin. Ok. T'as préparé les bacs? Attends, je vais voir la musique là. C'est qui la musique que tu voulais, Ringo, là? 4? C'est laquelle que... Ouais, il avait choisi là. La Trap 4, non? Tu l'as noté Ouais, c'est Trap 4. Trap 4. Ok. Putain, on peut pas démêler ça. Voilà. Première. Ah, mais attends, il faut que tu changes de micro là. Démêler ça. Je suis obligé d'être. Voilà. Vas-y, Ringo. Ok. Vas-y, Ringo. Bon. De la West Side. West Side. J'adore la musique de Tupac. Donc je fais comme Tupac, je fais comme Tupac depuis. Je fais comme Tupac. J'adore rapper des Tupac, j'adore rapper. Comme Tupac de petit petit. Tupac 2. J'adore sa musique, alors je fais comme Tupac. Dans le move comme Tupac. Freestyle comme Tupac. Mais moi quand va, soit coquivé. T'es dit qu'on va tout le mettre, C'est l'Oriat, t'es dit qu'on s'amène mâche. Colle-toi comme un aimant, bébé. Fais-moi chaud, comme un bébé. Ma chambre m'appelle pour toi, viens bébé, colle-toi comme un aimant, toute la nuit, chaud dans le corps, dans mon corps. Fais-moi le chaud, colle-toi comme un aimant sur moi, te dérange pas. Jette-moi tes yeux de panthère, je dirai ni à ton merdi, à ta père. Morena. Mexitalo, morena. Todos días, mantemiralo. Me gustalo. Como tú soy. Tú guapo. Tú soy morena, mamacita bonita. Ven conmigo. Toda la noche, yo quiero que tú me cantas. Pa' mi cuerpo me cantas. Me gustalo como tu cuerpo, dame beso toda la noche, yo quiero amor, toda la noche, día y la mañana como amor. Po. Tout en paix, c'est moi qui rigole ton retour. La sauto n'est pas faux, potion du tout. Dans ma vie, j'ai super, c'est tu comme tu fais. Alors je peux rien y faire, je risquerai avec mes affaires. Tout le monde, tu te passes une habitude qui se capture. Respect à la France, mon enfance, respecter la famille et les amis. Braquage, je passe du bol au braquage, la télé, quand ça balance. Je me lève comme un escopard pour faire des millions de billets. Comme un escopard, le monde entier aime des millions de. Billets, ça fait les péchés. Quand je pense la politique, ils relâchent des pédophiles. Les francs-maçons qui sont francs-maçons, qui resteront francs-maçons, qui sont pédophiles, qui relâchent les pédophiles. Alors si on pédophile, car je pense, petit Macron, le petit PD, je le chie dessus tous les jours comme un PD. Tu es un PD, tu resteras PD. Qu'est-ce que tu veux, car tu resteras PD. Tu veux te mettre avec Poutine de ma race, mais tu pourras pas, je te chie dessus. Je te mets comme une. Je tire la chasse d'eau, Macron. Dans les toilettes, je tire la chasse d'eau, Macron. Que tu pars comme un Macron, comme une merde là, tu resteras merde là. J'adore mon freestyle. Les politiciens, car vous êtes là, vous resterez chez Jam. Mais qu'est-ce que vous croyez là? Que le monde entier, Dieu vous voit pas là. Faisez les péchés. Maintenant, à la fin du monde, vous n'allez pas partir de ça. Quand vous voyez qu'à la fin du monde, dans ce monde là vient. Rembac de Jimmy. J'encule les politiciens qui restent politiciens. Avec leurs francs-maçons que je les encule là, avec leur merde là. Qui fout la merde dans le monde entier là. Mais qu'est-ce qu'ils croient que les sous ça vaut quelque chose? Tu pars comme une poussière, tu reviens comme une poussière, tu passes comme une poussière. Tu es pas éternel, les Macron de merde, Poutine de merde. C'est des skis de merde, tous les présidents de merde. C'est pour ça que je cours pour Dieu à voter. Pas pour voter pour les présidents de merde qui restera dans les toilettes comme une merde. J'adore mon freestyle. Comme un freestyle. Si tu peux avec mon freestyle, Macron va te faire enculer. Avec ton petit PD. C'est la première fois qu'on a un président PD. Alors il restera PD. Comme un PD. Alors je te mets un boulot pour prendre des billets sur ton cul, Macron, pour prendre des billets. C'est comme ça, des billets. Le monde entier, on va donner des billets pour te mettre sur ton cul des billets. Car tu fais le péché avec tes billets. Mais qu'est-ce que tu crois que t'es le meilleur? Mais t'es une merde et tu resteras à vie comme un petit poussin et comme une merde. Wow. Ouais. Barbara. Attends. Parle on micro, est micro, mort micro. De rire. Mortadelle. Ringo, il est mortadelle. Ringo, il est mortadelle. Attends. C'est une petite de. Macrobiotique. Je peux chanter? Oui, Barbara. Barbara, avant de chanter, on va reprendre le programme. On va laisser John. Mais s'il y a de la place, c'est après la chronique de John. Il n'y a aucun souci, Barbara, tu pourras chanter. Ouais, mais attends, on circule comme ça. Attends, John, vas-y. Là, c'est à John, mais Ringo. À John et après. C'est trop chaud, ça démarre fort. Ringo, le Tupac latino. Bon, si chroniqueur pour les jours de manif, là, ça tombait bien. Encore, ah, non. Et Ringo, il faut t'amener au manif, comme ça tu parles et tu te cries au manif. Attends. Un coucher de la casse. Non, je l'ai dit, t'es pas éternel, tu partiras comme une poussière. Comme une poussière. Ouais, je l'ai dit, t'es pas éternel. Robert Jimmy, de terre en polonais, va. Jamais. C'est bon. Tu t'écoutes là? C'est mieux? Encore plus bas? Là? Ok. Non, c'est chaud, ça démarre chaud. Oui, c'est bien, bon. Il a remonté la température d'un coup, Ringo. Liberté d'expression. Elle met le freestyle. Il est trop puissant, Ringo, délicatos. Non, j'ai bien aimé. Ringo, il a lâché toute sa veine. Il a lâché toute sa chiasse. qu'est-ce que j'ai dit? Franc-maçon, PD. Pédophile PD. Vérité. Ouais, je pense, La réalité. Bon, on va passer à la chronique de sport. Là, je l'ai dit qu'il pourra pas. On va passer à la chronique de sport. Taisez-vous, s'il vous plaît. Silence. Il y a John. Silence dans l'opéra. John, il a fait un voyage astral. Il est allé visiter. Mon père m'a dit les... qu'il ira loin dans la vie. Parle au micro, attends. Tu vois. Parle au micro. Avant, j'étais au chien, maintenant, je suis au dieu. Attends, essaye le micro, John, parce que je sais pas si ça marche. Parle. Un, deux. Ouais, c'est bien. Ok, je vais mettre un peu plus tu fort. Ouais, vas-y. Tu t'entends, John, ou pas? Toi, t'entends ta voix? Ouais, j'entends. Ouais. Ok. Allez, vas-y, lance-toi. Chut. Je suis parti en Norvège dans un match complètement dingue. Quintuplé de Erling Haaland à la 11e minute, 36e minute, 43, 52 et 43e minute. Quadruplé d'Asgard à la 67e minute, 76e, pénalty à la 79e minute, et dans le temps additionnel. Et un contre 50 de la Norvège qui offre un point, un but à la Moldavie. Score final 11-1. Tu parles de foot, non? C'est quel match qui a joué? Norvège, Moldavie. Ah, Moldavie, combien? Qu'ils ont gagné, qu'ils ont perdu? Non, Norvège a gagné 11-1. 11-1 ou en football? En football. La terre, elle est au bar, là, je vous redis. Hier, je suis parti au Parc des Princes. Ouverture du score par l'Islande à la 21e minute. Égalisation par Kylian Mbappé à la 45e minute, un partout. Barcola offre la victoire au Barça avec l'équipe de France à la 72e minute et carton rouge pour Aurélien Tchouaméni à la 68e minute. 2-1. C'est tout. Déjà fini? Tu peux nous parler du commencement de la Ligue des Champions? Hein? Ah! C'est à partir de mardi prochain. Et tu peux pas nous parler un peu de ce qui se passe en Ligue des Champions? Avant que ça commence. Ah! Tes pronostics à toi? Mais rapide quand même, hein? Je vois Barcelone gagner contre Newcastle. Dis-le au micro, les gens. Je vois. Attendez, il va parler. La période. 4-1 pour Barcelone contre Newcastle. Dès que je prends l'autre portable. Jeudi 18 à 21h, je vois le Barça gagner, marquer 4 buts et Newcastle 1 ou 2 buts. Victoire de Barcelone. C'est à moi ? Eh oui, toc, mais voilà, je recommence avec lui, je sais que faire que ça. Et dans la deuxième journée, il y a FC Barcelone contre Paris Saint-Germain. C'est de la casse, ça veut dire chien de la casse. Au total, il y a 5 victoires chacune, 4 nuls. Donc, ça va être un match très serré. Et ce sera au Camp Nou. Ouais, au Camp Nou. On attend la reprise de la Ligue des Champions. Mince, amène-moi une vague. La reprise de la Ligue des Champions. Impatient. Ok, merci. C'est bon, là. Merci John. Et merci. Dimanche, d'heure il est, FC Martin. Barcelone contre Valence. D'heure il est. Il nous reste 15 minutes. Il est 17h42 sur le Métamédiac. Je veux du cognac, Jean-Martin. Attends, Valence. Quoi? On a Barbara qui se... Barbara, un micro à Barbara, ouais. S'il vous plaît. Un micro à Barbara. Vas-y, Barbara. La première. Je sais pas si on m'entend comme ça. Attends, je te mets plus fort le casque. Tu t'entends là? Là, oui, je m'entends. Ok, c'est bon. Avec l'instru. L'instru première, je crois. Ouais, vas-y, Barbara. On va mettre la même que tout à l'heure, c'est ça? Ouais. Non, l'instru première pour voir, on va changer. Attends, une autre, tu dis? Je vais essayer pour attends, voir. On va voir si on peut trouver une autre. La même mélodie, mais avec attends, on y parce va. Parce que là, va, je vais essayer de chanter. Attends. Là, c'était moi, non, les gras. Tu veux qu'on chante ensemble? Non, là, je vais chanter juste seule. Après, plus tard. ça va pas suffisamment vite, je trouve. Ok. Attends, tu mets celle-là? Attention à la guitare. Ouais, celle-là peut-être. Ouais. Ok. Alors. À tout paix et amour. Barafaili Lala EM. J'ai l'impression que j'entends pas. Tu n'entends pas? Si j'entends, je sais t'entends pas où c'est. Attends, c'est moi qui n'entends pas. Peut-être le casque. Regarde si c'est le casque. Là, je pense que c'est bon. À toute l'humanité, j'aspire à la paix pour tous les êtres dans leur état intrinsèque. La vérité dans le cœur des êtres. Ouvre ton chakra du cœur et coronal. Ne mets pas ton âme dans le mal. Parle aux anciens pour savoir quel est ton chemin. Ton véritable chemin, c'est Dieu qui l'a entre tes mains. Loué soit l'Éternel au plus haut des cieux. Loué soit l'Éternel au plus haut des cieux. Une pensée à toutes les opprimées qui ont souffert sur la terre. Nous sommes héritiers. Qui ont souffert sur la terre dont nous sommes héritiers. Dédicace à tous les opprimés. Tous les opprimés. Tous les opprimés. Dédicace à tous les opprimés. C'était Bar Raphaëli Lala. Pull up that shit, pull up that shit. Ringo, je fais un truc vite fait, one shot sur cette deux mains crues. Lesquelles? Celle qu'elle vient de faire. Les mêmes? Ok, vas-y. La caméra, merci Adrien. Ça tourne? Ok, ça tourne toujours. Ouais, Black ouais. Case maintenant. Ça tourne toujours. Ok. Dans le bendo. C'est la débrouille, parfois l'embrouille, my bro. Mais l'écho traite dans le dos. Ok. L'État a fermé les portes à une partie du peuple. L'élite désire garder le pouvoir pour monter seul. La misère, la précarité, la crise. On en discute toutefois, le gouvernement s'en fiche. L'éducation c'est la base, l'érudition c'est la classe. Chacun pour l'humanité. Chacun pour l'humanité. Un unique toit pour tous, le firmament pour tous. La rue c'est la société, normal de se protéger. Asiat Blackbird tout bab, aucune différence tout part. Asiat Blackbird tout bab, aucune différence tout part. Qu'est-ce que t'attends pour vivre? Dis-toi que tu es libre. Les sous y'en aura toujours, l'amour vrai y'en aura toujours. J'illumine mes nuits après minuit. Ok. Le crime n'est pas une vie, peu importe quel âge. Je comprends le principe, sauf tu es un otage. Le sauveur est un mythe, le sauveur est un mythe, disent-ils. S'en sortir est difficile. Une vie ailleurs, une vie ici. La chance n'attend pas qu'elle vienne à toi. Ni roi, ni loi. Mis à part celle de mon choix. Ça se passe comme ça, oh. Ça se passe comme ça, wow. Ça se passe comme ça, wow. Ça se passe comme ça, wow. Ça se passe comme ça, wow. Ça se passe comme ça, wow. ça se passe comme ça. Oh, ça se passe comme ça. Oh, ça se passe comme ça. Oh, ça se passe comme ça. Oh. Hey. Hey, musique super. De Belmondo. Par contre, t'auras droit à des bagues de Dominique. Hein. Ouais, Dominique. T'as vu le service? Non, vas-y Dominique. Qu'est-ce que tu voulais faire un poème aussi? Ah, c'est bien Dominique. C'était super la musique. Tout un poème? Moi, ouais, je fais pas de poème. Je suis de la mitraillette. Un poème mitraillette. Ouais. Tu peux le faire, hein? Poème mitraillette. J'étais petit, j'étais pas grand. J'ai quoi pété partout. T'en feras ce que tu veux, je t'envoie ça sur WhatsApp, t'as tout reçu. Ouais, je t'envoie ça sur WhatsApp. Je te le laisse. Aïe, aïe, aïe. Je suis fatigué, monsieur le colonel. Je dis ça à chacun. Eh Ringo, t'es pas fatigué un petit peu, là, avec ton zèle là? T'as gâté. J'ai des fleurs. Ok, alors, c'est qui les tours maintenant? Ringo, c'est toi? Bah on a fait le tour de la table, hein. Ouais, je crois, hein. À moins que quelqu'un... Eh oui, Anthony, comme Anthony. Voilà, c'est fini. J'ai l'écran. Sans toi libre. Ouais, ok. Donc, il y a encore 12 minutes. Donc, est-ce que quelqu'un veut parler de quelque chose? Moi, je vous dis au revoir. Oui. Il n'y a que des enfoirés. Des enfoirés. OVNI. J'ai fait Coluche, hein. OVNI. OVNI ou OVNI? OVNI. OVNI. Sion. OVNI-sion. Moi, je voudrais qu'on fasse encore un jeu. Une improvisation tous. Collective, ah ouais, ouais. Si c'est bien. Ouais. Vas-y, vas-y, John. Comment je vais avoir. Attends, bat. Ah, oui, non. Non. Ah, je suis rouillé là, je suis rouillé moi. Non. Ah, ah Gérard. J'ai rarement vu ça. Parce qu'à cause de lui, j'allais m'embrouiller. Et toi, quand je chante, tu arrêtes. Parce que tu m'embrouilles. Une belle instru. Allez, bien celle-là. Attends, mais on fait un collectif et après c'est toi. Celle-là, c'est bien celle-là. Vas-y, tout le collectif. Mets ton casque. On fait le tour comme ça. À toute l'humanité, je dis la paix, la paix, la paix dans le cœur, la paix dans le cœur. Trop de rancœur pour certains hommes, trop de rancœur pour certaines femmes. Alors je t'appelle, j'appelle à la paix, j'appelle à la paix pour l'humanité, pour l'humanité, pour l'humanité. J'aspire à la paix pour l'humanité, pour qu'elle retrouve sa royauté que Dieu lui avait donnée, que Dieu lui avait donnée, pour qu'elle retrouve sa pour royauté, l'atmosphère de Pinocchio. Pour qu'elle retrouve sa royauté, qu'elle retrouve sa liberté, qu'elle retrouve sa liberté. Sa liberté, la liberté, exécutée. L'humanité, l'humanité, que la lumière illumine, que la lumière illumine, que la lumière illumine, illumine les illuminati, illumine, illumine, illumine, illumine la lumière dans le cœur de tous les opprimés, de tous les mais opprimés face, hein. Qui ont souffert, qui ont souffert, qui ont souffert le martyr, qui ont souffert le martyr sur la terre. Parce ils ont vu la moi. Misère, ils ont vu la misère, ils ont vu la misère, ils ont vu la misère, les, la ils ont vu la misère, ils ont souffert, ils ont souffert, ils ont souffert, ils ont souffert, ils ont souffert. Le soufre, c'est souffert, l'allumette, la louffe, souffert, son argot. Ouais. Ils ont souffert, ils ont souffert. Quand je clique, y a pas de mystère. Martin est à côté, je l'appelle Martin Mystère. Aujourd'hui, on est en impro, tu vois, y a pas de triche. À côté de moi, y'a la Ringo. Mais je sais qu'il attend son tour, en attendant, il s'en fiche. C'est pas grave, on est là. C'est Black S qui prend le micro en impro. Plus besoin de faire des impros. Tu sais déjà, je suis qui? Tu sais déjà où je suis? C'est B-L-A-C-K-S. C'est B-L-A-C-K-S. C'est B-L-A-C-K-S. Yes, j'envoie la passe à Ringo. Ringo. Retardé. Retardé. Tu vas m'embrouiller. Yeah, yeah, cette radio, elle est chambée. Ça commence dans le chaos, ça finit par la vérité. Tu sais, prends la place de Ringo dans le micro. Oh non. En attendant qu'il se remette de ses émotions. Oh que ça fume, oh que ça fume, Beto, ça fume. Mais arrête, parce qu'après tu m'embrouilles. Non, mais là, après je peux pas chanter. Il m'embrouille. Ringo se fait embrouiller, non. Mais il peut encore il chanter. Vas-y Ringo, c'est à toi de parler. Oh que ça fume, oh que ça fume. Avec des feuilles, oh que ça fume. Pas trop proche du micro, pas trop proche de ça. Ah ça. Mais démenez-moi le truc là. Le casque. Pardon, excuse-moi. On a ni. On annonce la clique de Kishi sous bois. On annonce la clique de Kishi sous bois. Oh que ça fume, oh que ça fume, oh que ça fume. En CP, en CP, on met le béton, ça fume, ça vient dans la tête quand ça fume. Vamos mi amigo, yeah yeah. Vamos mi amigos, yeah yeah yeah. In Bogota, yeah yeah. In Colombia yo quiero Bogota. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Cántalo, cántalo, cántalo. Toda la noche, toda la noche yo. Yo quiero bailando, cántalo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Soy borracho, borracho, borracho. Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. Yo quiero di gente bailando, bailando, bailando. Soy gitano, yeah. Yo soy gitano, yeah. Me gusta lo, me gusta lo, me gusta lo, me gusta lo, me gusta lo. Que soy Cuba, Cuba, Cuba, Cuba. Soy ibero, Cuba, soy ibero. Papá, mi sangre, soy ibero. Cuba, Cuba, Cuba, latino. Latino. Me gusta lo, me gusta lo, como cántalo. Me gusta lo, como cántalo. Pequeño, pequeño, pequeño, pequeño. Me gusta lo, cántalo, cántalo, ay, cántalo. Yo quiero, cántalo, di gente bailando, yo quiero, cántalo, pa' mi gente, bailando, bailando, bailando, pa' mi cachón, pa' mi cachón. Yo quiero, bailarlo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pass, pass le mic. Yo quiero, yo pass quiero, yo mic. Quiero, yo, oh, cántalo, cántalo, yo quiero. Di gente bailando, bailando, my mejor, reacción. Reggaeton, reggaeton, yeah, yeah. Reggaeton, reggaeton, yeah, yeah. On n'arrête plus le Tupac latino pour parler, il faut savoir s'imposer, Barbara. Barbara, Barbara, t'as quoi à dire? Barbara, Barbara. Alors, attends. Il peut pas s'arrêter. Alors, je vais chanter en ma langue. T'es un ouf, Ringo. Je vais chanter en ma langue. On n'entend pas très bien encore ou... On entend. Je vais chanter en ma langue, en créole. Non, c'est pas Aro, c'est tout, tout pas Ringo, latino. Tout pas latino. Il est infini. Il est infini. Barbara. Je vais finir, mon colonel. Je vais chanter en créole. Quand il me laissera chanter. Barbara, impose-toi. Ouais, ouais. Moi, c'est Barafaeli Lala M. Moi savent que l'humanité a souffert. Moi savent que l'humanité a besoin l'amour, besoin la paix et la sérénité. Moi savent que l'humanité a besoin la paix, besoin la sérénité. Moi savent, je dis à qui m'ont noyé et qui ça m'a fait demain. Compte qui est-ce moyé malgré yo mettez l'hôpital. Yo mettez l'hôpital. Moi connais l'humanité a souffert. Je m'en dis pour l'humanité, prends courage et la paix. Malgré la peine, malgré la peine dans le cœur, ne pleure pas, humanité, ne pleure pas, non, non, non, non, non, non, non, non, humanité, ne pleure pas, humanité, ne pleure pas, mais garde courage, courage en toi, et foi en toi, et foi en Dieu, qui t'amènera le chemin. Le chemin est la bonne direction. La bonne direction. La bonne direction. Choisis la bonne direction. Choisis la bonne direction. Le chemin pour l'élévation. bar, Raphaël Ilala, big up à l'Amérique latine. Yeah, yeah, la yeah, France yeah. aussi, pardon. On va y aller. Moi je vais y aller, je vais les manger. Je vais vous manger. Il reste 2 minutes, vas-y mon gars. Allez, eh oui, tac tac, voilà. Coup de boule balayette, je m'en vais. Electromo. Ringo, t'as chanté tout seul au début. T'as chanté Ringo tout le temps. Oublie pas. Ouais. Voilà. Donc on a deux minutes pour finir cette émission assez joyeuse, je veux dire. Bah le mieux c'est que on passe un petit message à Macron mais soft parce que là. Ouais, parce que Ringo il est allé là. La rage contre ce trou. Si ça remonte jusqu'à nous. On est mal barré. Il a du pouvoir, le président. Ah, parle au micro. Même homosexuel, il a du pouvoir, ce président, quand même. Ok. Bon, on va mettre un peu de musique, Revolution Rock, pour finir avec Metanoïac. Et ça, Dominique, il va faire un peu un solo guitare. C'est ça. El pueblo unido. C'est pas jouer de guitare, c'est m'occuper d'Adrienne, c'est tout. Ouais, donnez-moi un violon. Ah, ciao, Metanoïac. Merci. À la semaine prochaine. À bientôt, étranger, désolé. J'espère aussi. Je vais aller manifester. Façon, contre même, le pouvoir tactique qui nous exploite. Liberté. To the coolest mobster.